Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Résistés par le renseignement, les espions de l'armée des ombres. En 1947, après la guerre, Pierre Nord fait paraître « Mes camarades sont morts ». Il s'agit de son témoignage sur les services de renseignement de la résistance. Il écrit « Si l'on posait à 100 Français intelligents et cultivés la question « Qu'est-ce que le contre-espionnage ?» 99 répondraient « Bah, c'est la chasse aux espions, naturellement. » Ce serait une erreur aussi grosse que de définir les mathématiques par les quatre opérations de l'arithmétique, précise Pierre Nord, qui ajoute « Les buts de ce service sont infiniment plus importants et lointains. Assurer le secret, protéger nos propres services de renseignement, contribuer à la recherche de renseignements sur l'ennemi, tromper l'adversaire par l'intoxication. » Sur quel service de renseignement pouvait compter le général de Gaulle, la France libre, la résistance ? Sébastien Albertelli, bonjour. Bonjour. En 1940, aux États-Unis, il y a des services de renseignement déjà constitués. C'est pareil en Russie, c'est pareil dans tous les pays. Le général de Gaulle se trouve à Londres. Il appelle à la résistance. Il faut tout construire. De quoi dispose-t-il ? Alors, il ne dispose pas de grand-chose, pour tout dire, en 1940, quand le général de Gaulle lance son appel, il ne dispose absolument de rien. Et c'est la rencontre avec un homme, en fait, le capitaine, alors André de Wavrin, qui va changer les choses. Il va lui confier ce qu'on appelle à l'époque le deuxième bureau. Dans un état-major, il y a quatre bureaux, et le deuxième est chargé du renseignement, de l'analyse du renseignement. Mais en fait, c'est une coquille vide, et tout est à créer à partir de juillet 1940. Il peut s'appuyer sur des gens qui l'ont rejoint, qui connaissent bien les services de renseignement. Vous avez évoqué ce nom, alors, le colonel Passy. Alors non, il ne s'appuie sur aucun professionnel. Les professionnels dans le domaine des services secrets, comme d'ailleurs dans un peu tous les domaines, en fait, sont restés fidèles plutôt à Vichy, sont restés en France fidèles à Vichy, et lui-même n'a sous la main, sauf quelques petites exceptions, mais il n'a que des amateurs, c'est-à-dire des gens qui vont découvrir en fait ce qu'est le renseignement et qui vont créer à partir de rien des services nouveaux. Et d'ailleurs, l'importance du renseignement est au cœur même de cette réflexion du général de Gaulle. Il veut constituer des réseaux efficaces. Et on a parlé du deuxième bureau, c'est intéressant parce que c'est le terme générique deuxième bureau pour parler du renseignement. Il n'est pas possible d'imaginer une structure de combat sans le renseignement. Non, il n'est pas possible d'avoir une structure de combat sans le renseignement, parce que pour ne serait-ce que préparer des opérations, il faut du renseignement, mais surtout dans la position du général de Gaulle qui est dans cette situation étrange, qu'il se revendique comme le chef de la France au combat, mais qui est en pays étranger. Il y a un risque majeur qui est celui de, qu'on appelle à l'époque, celui d'être considéré comme un émigré, c'est-à-dire quelqu'un au sens émigré de la Révolution, c'est-à-dire quelqu'un qui non seulement est à l'étranger, mais est totalement coupé de ses concitoyens, de son pays d'origine. Donc pour lui, la nécessité de rester bien connecté au pays, bien renseigné sur ce qui s'y passe, est absolument fondamentale pour que, par exemple, quand il fait des discours ou quand il parle à la radio, son propos ne soit pas totalement déconnecté de ce que vivent ses concitoyens en France. Et à partir de quel moment se mettent en place des services constitués autour du général de Gaulle, des services de renseignement ? Alors, en réalité, le général de Gaulle est assez peu sensible à cette problématique au début. C'est-à-dire que c'est un militaire classique, et les militaires en France sont globalement relativement peu sensibles à cette question du renseignement. Donc il confie dès juillet 1940 à André de Wavrin, Passy, le soin de monter un service. Mais enfin, là encore, c'est une coquille vide. Et ensuite, de Gaulle va partir en Afrique, au Moyen-Orient, etc. Et c'est sans doute à partir de 1942 que lui-même va prendre conscience de l'importance de ce service. Il va lui dédicacer une photo assez connue en utilisant le mot confiance. Et à partir de là, voilà, il mesure l'importance de ces renseignements qui lui arrivent de France pour sa propre légitimité. Et il va avoir des relations de plus en plus proches avec le service du colonel Passy, qu'on appelle à l'époque le BCRA. Le BCRA d'ailleurs, alors le BCRA, on peut dire ce que c'est, hein, c'est le Bureau Central de Renseignement et d'action, mais c'est drôlement intéressant ce que vous nous dites, Sébastien Albertelli, cette idée que tout ça se met en place doucement, mais 1942, j'ose le dire, c'est tard, hein. 1942, c'est assez tard, effectivement. Il a fallu le temps, à la fois que le service se constitue, se crée. Il va petit à petit accumuler un certain nombre de fonctions, le renseignement, puis l'action subversive, puis le contre-espionnage, puis les évasions, etc. Il va agglomérer un certain nombre de fonctions et il va falloir qu'il fasse ses preuves. Et vu que ce sont des amateurs, ça fonctionne par tentative, échec, tentative, succès, et progressivement, le service fait ses preuves. Et à partir de 1942, on peut dire qu'il existe, il a prouvé son efficacité et le général de Gaulle va effectivement s'appuyer sur lui. OBCRA, en toute confiance, 15 décembre 1942, Charles de Gaulle. Ça, c'est la dédicace sur sa photo et c'est aussi la couverture de votre ouvrage, hein, Sébastien Albertelli, Les services secrets du général de Gaulle, le BCRA 1940-1944, chez Perrin. Il signe au BCRA, ce bureau central de renseignement et d'action. C'est intéressant comme à un tout. Bah, il donne pas de nom. Voilà, c'est une dédicace vraiment rare, parce que la plupart des dédicaces sont évidemment destinées à des personnes. Et là, on a une dédicace en plein milieu de la guerre qui est destinée à un service dont il souligne ainsi l'importance pour son combat. Un service dirigé par le colonel Passy. J'ai un souvenir très vivant de la première rencontre que j'ai eue avec lui, dans laquelle il nous a exposé ses buts de la guerre. Ses buts, c'était de prétendre qu'il représentait, nous représenterions la légitimité française par rapport au régime de Pétain qui lui était sous la coupe de l'ennemi. Et par conséquent, dérivant de cette idée, il n'était pas question pour lui d'entrer une seconde sous les ordres des Britanniques. Il voulait représenter la France, s'installer à l'extérieur pour que nous n'apparaissions pas comme les émigrés de Koblenz, d'une part, et deuxièmement, prendre un contact avec la France, à la fois dans le domaine du renseignement militaire et dans le domaine du renseignement politique aussi, naturellement, et dans le domaine de l'action, pour essayer de soulever le peuple français, qui, il faut bien le dire, était très ému au moment de juin 1940 et était, pour une proportion considérable, pétiniste et prêt à céder. Voilà, et puis quand nous entendons le colonel Passy qui évoque les émigrés de Koblenz, eh bien c'est ce que vous évoquiez Sébastien Albertelli, c'est cette idée que ces Français qui arrivent à Londres en 1940 sont une sorte d'émigration, on ne sait pas trop d'ailleurs. Aujourd'hui, avec le recul, nous mesurons l'importance, mais en 1940, vu de Londres, qui sont ces gens, qui est ce général de Gaulle, personnage intéressant, le colonel Passy, comment en arrive-t-il à devenir chef de ce bureau central de renseignement et d'action? C'est essentiellement le hasard. Alors lui-même était militaire d'active, il était professeur à Saint-Cyr avant la guerre et il s'est porté volontaire pour aller servir dans la campagne de Norvège. Et ils ont été évacués de Norvège en juin 1940 quand le front en France s'est écroulé. Ils sont revenus à Brest et puis c'était trop tard. Et en fait, ils ont réembarqué, donc il était en Angleterre. Il était capitaine, jeune capitaine, 29 ans à l'époque. Et les discussions ont eu lieu dans les camps en Angleterre. Et il fait partie des rares officiers à avoir décidé de rester auprès du général de Gaulle. Et quand il s'est présenté au général de Gaulle, il y a un entretien qu'il a relaté dans ses mémoires assez célèbres, où le général de Gaulle, dans son style un peu sec, lui pose une série de questions. André de Wavrin est jeune, mais il est polytechnicien. Il parle anglais. Il a fait du droit. Donc voilà, il a un profil qui... et puis surtout, il est là. Il est là et le général de Gaulle n'a vraiment pas beaucoup de choix. Donc voilà, il lui confie le deuxième bureau qui, à l'époque, encore une fois, n'est rien. C'est-à-dire c'est vraiment un bureau d'un état-major vide. Et il se trouve que... Donc il va prendre le pseudonyme de Passy pour protéger, disons, sa famille qui est restée en France. Et il va se révéler dans ce poste-là. Il va réellement aspirer à créer quelque chose de grand dans une perspective très, très fidèle à la pensée du général de Gaulle, même si les relations entre les deux hommes, en particulier en 41, vont être parfois un peu agitées. Un peu agitées. Et d'ailleurs, nous sentons bien que cette histoire est celle d'individus, des hommes, des femmes, de personnalités et puis d'institutions. Sébastien Albertelli, justement, ce bureau central de renseignement et d'action, prend-il une réelle importance sous la conduite du colonel Passy? Pour le dire autrement, de quelle force dispose le colonel Passy dans ses services de renseignement? Alors, fil de la guerre, il va se renforcer. Mais enfin, sa force principale, ce sont les volontaires qui vont intégrer la France libre et qui vont se porter volontaires pour partir en mission clandestine en France. Au départ, ces volontaires sont très peu nombreux. En réalité, les jeunes hommes, pour la plupart, qui intègrent la France libre, leur ambition, c'est de porter un uniforme, porter une arme et aller se battre contre les Allemands dans une vision assez classique du combat. Donc, ils vont partir en Afrique, ils vont partir au Moyen-Orient. Et ceux qui sont prêts, finalement, à aller courir les risques de la lutte clandestine sont rares. Donc, au départ, il a des moyens relativement faibles. Et puis, progressivement, parmi les volontaires, on va prendre conscience que le renseignement ou l'action clandestine d'une façon plus générale, c'est un moyen, finalement, efficace de lutter contre l'occupant. Et donc, on va avoir un petit peu plus de volontaires. Mais bon, il faut garder en tête que la France libre est extrêmement pauvre en hommes. Aujourd'hui, évidemment, elle occupe une place majeure dans la mémoire nationale. Mais enfin, c'est une cinquantaine de milliers d'hommes en tout, sur toute la guerre, c'est-à-dire à peu près rien. Et le général de Gaulle, avec ça, il doit alimenter les divisions qui combattent en Afrique, au Moyen-Orient, sur les mers, dans les airs, etc. Donc, il y a une lutte permanente pour essayer de dénicher une ou deux personnes volontaires pour partir en France. C'est compliqué. Ça va s'accélérer à partir de la fin de 42, puisque les Alliés débarquent en Afrique du Nord, et que Il y a une vingtaine de milliers de Français à ce moment-là qui vont franchir les Pyrénées, passer en Espagne, puis en Afrique du Nord pour la plupart. Et donc le vivier va un peu s'élargir et à partir de 43, voilà, on a davantage d'hommes et un peu de femmes qui vont être parachutés ou déposés en France. Et justement, au moment de réfléchir à ces services de renseignement pendant la Seconde Guerre mondiale, il est nécessaire de faire de la géographie. Il y a le renseignement à Londres. Comment s'organisent ces services de renseignement à Londres? Qui fait-on? Alors, à Londres, il y a d'abord les services de renseignement britanniques. En fait, ce sont eux qui pilotent, c'est le Secret Intelligence Service, ce qu'on appelle l'intelligence service en France, qui évidemment pilote, contrôle, puisque c'est sur son territoire. Et puis, on organise donc un service français à l'intérieur du BCRA, ce qu'on appelle la section renseignement. Et son travail, alors, c'est d'abord de recueillir tous les renseignements ouverts. On associe systématiquement renseignement et espionnage, mais en réalité, une grosse partie du renseignement recueilli, c'est du renseignement qu'on pourrait qualifié, disons, de ouvert. Donc, il s'agit de lire, par exemple, tous les courriers qui arrivent de France, et il y en a beaucoup. Et puis, surtout, il s'agit d'interroger tous ceux qui arrivent en Angleterre, tous les Français qui arrivent en Angleterre, que ce soit directement de France parce qu'ils se sont évadés ou que ce soit de pays étrangers, vont pouvoir fournir des renseignements. Bien sûr, on les interroge pour d'abord essayer de détecter s'il y a des agents ennemis, mais enfin, ils vont aussi pouvoir fournir des renseignements sur ce qu'ils ont vu en France avant de partir. Oui, parce que c'est ça, hein, c'est collecter de l'information. Collecter de l'information, c'est vraiment, comme vous le disiez, Sébastien Albertelli, de l'information toute simple, lire les journaux. Relever dans les journaux de qui il est question. Et puis, c'est aussi communiquer, envoyer les informations. Quel rôle jouait la BBC avec les messages personnels? Bien, si quelqu'un devait venir en France ou si nous avions choisi un terrain, nous choisissions une phrase, n'importe laquelle. Certaines avaient de l'humour, d'autres étaient tout à fait idiotes. Par exemple, un jour, j'ai inscrit... Elles avaient généralement ni queue ni tête pour ceux à qui ils n'étaient pas destinés. Voilà, justement. Les enfants jouaient aux cartes et ils disaient « les monarques arrivent au mariage ». Et comme nous attendions justement du personnel, nous avons dit « j'ai envoyé cette phrase » et après, on a toujours référé « les monarques sont-ils arrivés ?». Alors, ça veut dire que vous, radio, vous procédiez, vous envoyiez cette phrase code, oui, à Londres, oui, et lorsque votre demande était exaucée, lorsque votre demande de matériel ou de personnel était exaucée, vous attendiez le message sur la BBC, c'est ça? Le message passait en clair sur la radio, oui. Voilà, le message passait sur la radio. C'est Yvonne Cormeau qui s'exprimait en 1971 dans l'émission Les Espions qui venaient de Londres. Et justement, nous avons ici avec Yvonne Cormeau un agent des services secrets britanniques. Nous entendons combien elle parle très très bien le français. Et la question se pose de l'aide entre les différents services. Alors ça, il y a des services secrets, des services de renseignement à Londres, britannique. Et puis, il y a ce bureau central de renseignement et d'action dont dispose le général de Gaulle. Est-ce que tout cela fonctionne très bien ensemble? Alors, dire que cela fonctionne harmonieusement serait exagéré. Vous soulignez qu'elle parle très bien français. En réalité, la plupart des agents des services britanniques sont français. Lorsqu'ils agissent en France, beaucoup d'agents des services britanniques sont français. Et ça pose un problème insurmontable au général de Gaulle. C'est-à-dire que pour le général de Gaulle, un Français ne peut pas servir dans un service britannique. Il peut éventuellement servir la France libre et être détaché dans un service britannique, mais c'est pas ce qui se passe. En fait, les Britanniques sont chez eux et les Britanniques estiment qu'ils ont le droit de mener des opérations, que ce soit d'ailleurs de renseignement ou d'action, pour leur propre compte, tout à fait indépendamment du général de Gaulle, en France. Et donc ça va provoquer des frictions extrêmement fortes jusqu'à la fin de la guerre, parce que pour le général de Gaulle, c'est une atteinte insupportable à la souveraineté nationale. Ouais, c'est ça qui est compliqué, en fait, dans ce panorama qui se dessine, mais très complexe et toujours, il faut le rappeler, avec une chronologie très fine parce que les choses vont extrêmement vite. Sébastien Albertelli, vous avez écrit « Elles ont suivi De Gaulle, l'histoire du corps des volontaires françaises 1940-1946 ». C'est publié chez Perrin. Justement, dans cette étude passionnante, « Elles ont suivi De Gaulle ». Elles ont suivi De Gaulle et certaines, nous l'entendons, arrivent dans les services secrets britanniques d'abord. En fait, pour quelqu'un qui décide de s'engager dans la lutte contre l'Allemagne nazie, contre l'occupation, plein de voies sont possibles. De très nombreuses voies sont possibles et très souvent, c'est le hasard qui dicte en réalité. Évidemment, quelqu'un qui est en France et qui cherche à agir, que ce soit un homme ou une femme, se préoccupe relativement peu de savoir, lorsqu'il a la chance d'entrer en contact avec quelqu'un qui lui-même est en contact avec Londres, se préoccupe relativement peu de savoir si ce quelqu'un est un agent d'un service britannique ou d'un service français travaillant avec les Britanniques. Et donc, on se retrouve effectivement avec des Français qui sont engagés directement dans les services britanniques un petit peu par hasard. Évidemment, les services britanniques jouent de cela et ont tendance quand même à dire aux gens qu'ils contactent que s'ils travaillent directement pour eux, ce sera plus efficace, que les gaullistes sont toujours, ils se chamaillent entre eux, qu'ils ont moins de moyens, etc. Donc ils jouent évidemment sur leurs forces pour essayer de recruter les meilleurs agents, disons. Donc on a une relation de coopération-concurrence entre services secrets, ce qui est en fait leur lot habituel. Alors là, nous sommes à Londres et nous voyons se construire des services de renseignement qui peuvent échanger, qui sont en rivalité. Mais c'est la nature même de ce monde du renseignement. Et si nous changeons de lieu, si nous arrivons en France, dans la France occupée, alors là, comment se construisent les services de renseignement? Parce qu'il y a des réseaux de résistance qui se mettent en place, qui disposent peut-être eux-mêmes de services de renseignement. Ce n'est pas construit comme un service de renseignement, mais ils ont besoin d'informations. Alors, les mouvements de résistance, les groupes de résistance qui naissent en France cherchent, les membres de ces mouvements cherchent quoi faire, en fait. Alors certains vont faire de la propagande ou de la contre-propagande autour de journaux clandestins, par exemple, mais beaucoup, effectivement, commencent à regarder où est l'armée allemande, quel type de troupes elle a, et en fait recueillent du renseignement à la base. Et les gens se réunissent en petits groupes et tout le problème pour eux est de savoir quoi faire de ces renseignements. Une fois qu'on les a rassemblés, comment est-ce qu'on les fait parvenir à Londres? Donc, il faut, certains ont des contacts par la Suisse ou par l'Espagne, c'est extrêmement lent en réalité. Et progressivement, des agents vont être parachutés en France depuis l'Angleterre et vont en quelque sorte fédérer ces petits groupes et constituer des réseaux. Alors, on utilise deux mots, les réseaux sont vraiment rattachés directement aux services londoniens. Ils obéissent, ce sont des services, pour tout dire, assez militaires qui obéissent. Alors que les mouvements, qui sont plus politiques, vont eux aussi recueillir du renseignement, vont eux aussi créer leur service de renseignement interne, mais ils sont moins directement soumis à l'autorité. Et d'ailleurs, ils vont parfois essayer de monnayer leur renseignement auprès des Britanniques, auprès des Américains, auprès des Français. Et justement, dès lors, nous comprenons combien pour le général de Gaulle, il est essentiel de mettre tout cela en relation pour bénéficier de l'ensemble de ces renseignements. C'est une histoire longtemps restée secrète. Un épisode héroïque de la Seconde Guerre mondiale. La mission de deux espions dans Paris occupé. Deux espions parachutés depuis Londres à l'hiver 1943. le colonel Passy, patron des services secrets du général de Gaulle, et Pierre Brossolette, son numéro 2 et son ami. Leur mission, rassembler la résistance pour préparer le débarquement. Un extrait du film Les espions du général diffusé sur France 3, un film de Richard Puech que vous avez écrit, Sébastien Albertelli. Avec qui d'ailleurs ? Avec Richard Puech. Avec Richard Puech et avec la collaboration de Marie de Vavrin, donc qui descend. Qui est la petite fille, la petite fille du colonel Passy, et Sylvie Pierre Brossolette. Qui est la petite fille. Et qui est la petite fille. Justement, dans cette mémoire véhiculée, parce qu'il y a un travail de mémoire, et cette histoire surtout, ce moment est intéressant parce que nous évoquons, dans le cours de l'histoire, sur France Culture, ce monde des services secrets pendant la guerre. Donc le mot secret est là avant tout, il ne faut pas que ça se sache. Ces histoires sont difficiles à évoquer, à dénouer. Pour l'historien, c'est toujours la question des sources. Il y a beaucoup de témoignages sur ces histoires-là. Y a-t-il d'autres sources que les témoignages ? Alors effectivement, là, on aborde un sujet crucial, c'est-à-dire qu'effectivement, les services secrets sont généralement assez inaccessibles du fait de que leurs archives restent secrètes, voire sont détruites. Pour la Seconde Guerre mondiale, on est dans une situation totalement différente. C'est-à-dire qu'on a des masses d'archives. Il faut savoir que les services secrets sont des administrations qui écrivent beaucoup, qui archivent beaucoup. Or, cette administration, elle se trouvait en Angleterre ou après en Afrique du Nord, c'est-à-dire dans des lieux où finalement le danger n'était pas immédiat. Donc il y a aujourd'hui, alors aux archives nationales environ 600 cartons d'archives du BCRA, au service historique de la défense environ 1500, à Londres, à Kew Gardens, les archives britanniques, plusieurs milliers de cartons. Donc vraiment, on ne manque pas d'archives. L'activité des services de clandestins, disons, est extrêmement bien documentée à cette nuance près que les archives du SIS, donc des services secrets britanniques de renseignement, elles sont censées ne pas exister, donc elles sont fermées. D'accord, ok. C'est une subtilité qui est d'importance. Et justement, si on prend cette mission qui sert de propos à ce film documentaire Les espions du général, hein, l'envoi du colonel Passy et de Brossolette, justement par le général de Gaulle pour réunir des réseaux, de quoi s'agit-il en fait ? Là, nous sommes sur des vraies questions de renseignement. Alors, sur des questions de renseignement et d'action. Disons que l'action, cette mission Arquebuse-Brumaire qui part en zone nord, donc la zone occupée de France, même si depuis novembre 42, l'ensemble de la France est occupée, mais disons qui est centrée sur Paris. C'est le pendant de la mission de Jean Moulin en zone sud. Jean Moulin a été parachuté tout début 42 et il a unifié les mouvements de la zone sud derrière le général de Gaulle. Et les relations sont un peu plus ténues avec la zone nord et donc le rôle de Passy et de Brossolette, c'est d'abord d'unifier les résistants pour qu'ils reconnaissent l'autorité du général de Gaulle et qu'ils le soutiennent. Et puis, comme on en parlait tout à l'heure, ces mouvements de résistance ont eux-mêmes un potentiel de renseignement. Ils ont des agents, ils ont des membres qui sont capables de recueillir du renseignement. Donc la deuxième mission de Passy, lorsqu'il va être à Paris, ça va être d'amener ces mouvements de résistance à créer en fait des réseaux séparés de renseignements proprement dit pour glaner un maximum d'informations sur le nord de la France, qui est particulièrement important parce qu'on devine que le débarquement aura lieu plutôt dans le nord que dans le sud. Et oui, parce que tout cela tient à des enjeux extrêmement complexes et même sur la définition de résistance, d'action et de renseignement. En réalité, tout est relié au sens où il n'y a pas un agent de renseignement qui ne fait qu'être agent de renseignement. Il peut y avoir plusieurs fonctions. Ce que je veux dire, Sébastien Albertelli, c'est que c'est un monde extrêmement protéiforme. Absolument. Et les résistants, d'une façon générale, sont rarement totalement spécialisés. Et là, on a deux réalités qui se heurtent. C'est que les services à Londres, en particulier les services britanniques, sont extrêmement spécialisés. Vous avez un service de renseignement, le SIS, et vous avez un service d'action, le SOE. Et ces services entretiennent des relations très compliquées. Et donc, les Britanniques veulent absolument qu'on sépare au maximum. Alors que les Français, eux, ont tendance à partir de cette réalité que vous décrivez de ce qu'est un résistant, c'est-à-dire quelqu'un qui veut faire quelque chose et qui se préoccupe finalement assez peu de savoir si c'est du renseignement, de l'évasion ou de l'action à proprement parler, et qui, dans le temps, de toute façon, aspire à finir par faire de l'action, c'est-à-dire veut au moment des combats de la libération, sortir de la clandestinité et participer à la libération. Oui, ce sont des gens qui ont cette idée de combat. Et puis, il y a surtout cet objectif, hein, c'est libérer la France. Et justement, dans cette réflexion, j'évoquais en début d'émission le personnage de Pierre Nord. Nous l'écoutons. Les résultats de la guerre eux-mêmes apportent la certitude que ce travail a été bien fait, en somme. N'est-ce pas ? C'est en grande partie parce que l'ordre de bataille allemand a été parfaitement tenu à jour que la marche de Normandie au Rhin a été, en somme, on peut le dire, relativement rapide, que la France n'a pas été détruite en étant libérée, qu'il n'y a pas eu un blutbad de plus. Cela a coûté certainement cher. Voilà un chiffre pour un seul de ces réseaux. Sur 419 agents permanents, il y a eu 28 tués en action, 6 disparus et 62 déportés. Presque le quart de l'effectif, n'est-ce pas, sont des pertes d'unités combattantes. Et sur ces 62 déportés, j'imagine qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas revenus. En très mauvais état, n'est-ce pas, ou en tout cas revenus en si mauvais état. On peut dire que les réseaux de la France combattante ont été les yeux des armées de la libération et en même temps, voyez-vous, leur avant-garde sacrifiée. Les yeux et l'avant-garde sacrifiée, c'est ce qu'évoque cet homme, Pierre Nord, qui a écrit « Mes camarades sont morts ». Il parle en 1967. C'est un homme de la résistance intérieure, c'est un homme qui a un parcours particulier lié déjà au renseignement, j'allais dire à l'espionnage, mais je me corrige, avant la guerre. Il a appartenu au réseau de résistance Travaux Ruraux. J'ai appris cela. Qu'est-ce que toute cette histoire ? C'est d'une complexité. Alors, en fait, c'est, disons, relativement simple. C'est que on a parlé de la création de quelque chose de tout à fait nouveau à Londres en 1940, mais en 1940, la France avait des services secrets, avait un deuxième bureau et avait des services secrets. Or, ces services secrets, ils ne sont pas passés, ils n'ont pas franchi la Manche, ils n'ont pas rejoint le général de Gaulle, ils sont restés fidèles à Vichy. Donc, on a des services secrets qui sont fidèles à Vichy et qui ont une partie, disons, un petit peu officielle, reconnue par les Allemands, et une partie plus clandestine, parce que, contrairement à ce qu'indique la convention d'armistice, ils continuent à pourchasser notamment les espions allemands. Cette partie qu'on appelle les travaux ruraux, créée par le commandant Payol, et commandée par le commandant Payol, c'est la partie clandestine. Ces gens sont restés fidèles à Vichy et, à la fin de la guerre, prétendent avoir été finalement les premiers résistants. C'est une conception qui est largement contestée. Voilà, parce que, bien sûr, ils ont continué à poursuivre des agents allemands, à rassembler des renseignements dont certains sont transmis en Angleterre, mais certains seulement. Mais en même temps, ils pourchassent les agents gaullistes, ils pourchassent les communistes, enfin, ils participent à la politique répressive du régime de Vichy. Et puis c'est seulement à partir de la fin de 1942, quand les Alliés s'emparent du Maroc et de l'Algérie, débarquent au Maroc et en Algérie, que ces hommes passent à Alger et refusent toujours de rallier le général de Gaulle, choisissent un autre poulain qui s'appelle le général Giraud, qui a disparu un peu de l'histoire, mais qui est un concurrent très fort du général de Gaulle. Donc on a, si vous voulez, à ce moment-là, des services secrets qui sont du même côté, pour dire les choses simplement, du côté des alliés, mais qui sont en très forte compétition. Et il va falloir, disons, un an pour que, au forceps, on arrive à les faire converger, à les associer dans une structure qui va donner les services secrets actuels. Voilà, parce que c'est vrai que dans ce monde des renseignements durant la Seconde Guerre mondiale, nous sommes face à une situation extrêmement compliqué. Et c'est pour ça que je voulais que nous évoquions, parce qu'en préparant l'émission, je regardais ces parcours. Mais c'est vrai qu'il y a pendant la guerre des personnages qui sont dans un entre-deux et qui en jouent énormément, mais qui bénéficient d'informations. Et notamment autour de ces travaux ruraux, vu qu'il y a de l'information, il y a la certitude que l'Allemagne va perdre très vite. Et ça permet de jouer sur plusieurs ficelles. Vous savez, dans notre imaginaire à tous, vu que nous avons lu les livres et nous avons vu les films, ce monde du renseignement, c'est un monde d'agents doubles. Est-ce que c'est la réalité ? Est-ce que certains jouent de cela d'un côté et de l'autre, c'est un peu ce qu'on a l'impression quand vous évoquez tous ceux qui sont autour de Vichy et qui soutiennent malgré tout les Alliés. Alors, oui, le monde des services secrets est un monde de gris, incontestablement, de différentes variétés de gris. La question, c'est la question politique en réalité, c'est à qui obéit-on et le général de Gaulle a fini par gagner et par s'imposer comme le chef, mais on l'oublie trop souvent, beaucoup de Français, y compris parmi ceux qui étaient patriotes, étaient fidèles à Vichy et n'étaient certainement pas gaullistes. Alors les historiens réfléchissent à ces catégories-là. On a créé une catégorie qui s'appelle vichisto-résistant, c'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on pense, on peut avoir été fidèle à Vichy et avoir été résistant dans le sens anti-allemand et pour la libération du territoire. Alors dans les services secrets officiels, disons, ceux qui étaient ceux de la République puis ceux de Vichy, on a évidemment beaucoup d'hommes qui sont dans cette catégorie-là. Et puis parmi les résistants, il y a ceux qui sont dans l'action, qui sont dans l'évasion, qui sont dans le sabotage, qui sont résistants et parfois agents secrets. Le réseau Acolyte était l'un des quelques 75 ou 80 réseaux constitué en France par l'organisation anglaise connue sous les initiales SOE, Special Operations Executive. Cette organisation était, en ce qui concerne la France, sous les ordres du colonel Buckmaster, et des sections semblables existaient pour tous les pays occupés d'Europe occidentale, Belgique, Hollande, Norvège, etc. En quoi ces réseaux se différenciaient-ils des autres réseaux d'action constitués par le BCRA, c'est-à-dire par la France combattante? Ils en différaient tout d'abord par leurs effectifs, beaucoup moins nombreux que ceux des réseaux de la France combattante, et qui variaient, sauf quelques exceptions, entre 50 et 250 agents. Ils en différaient également par leur commandement, assumé presque toujours par des officiers organisateurs français ou anglais, venus de Londres et ayant subi dans les écoles militaires spécialisées dans le sabotage industriel et la guérilla, un entraînement intensif de 5 à 6 mois, parfois davantage en ce qui concerne les opérateurs de radio. Quoi qu'il en soit, à partir du débarquement du 6 juin, alors que le stade du sabotage industriel se trouvait dépassé, Réseau Français et Réseau Buckmaster furent alors intégrés sans distinction aucune dans les forces françaises combattantes de l'intérieur sous le commandement unique du général Koenig. Voilà, il y a toute une histoire qui est racontée, en l'occurrence c'est Robert Lyon, un agent français mais des services secrets britanniques, Special Operation Executive, SOE, et nous voyons bien qu'avec ces témoignages, il y a une lecture qui rend la chose extrêmement cohérente. Et d'ailleurs, c'est aussi le travail de l'historien d'essayer de nous faire comprendre ce qui s'est passé. Sébastien Albertelli, vous avez écrit « La lutte clandestine en France, une histoire de la résistance 1940-1944 ». Il faut souligner combien nous sommes dans un monde de l'invisible, de l'improbable. Tout échappe entre les mains de tout le monde parce que c'est l'univers du renseignement, donc du secret. Vu que tous les mouvements de résistance doivent se cacher, ça doit être extrêmement difficile de saisir ce qui se passe. L'information est extrêmement précieuse. Alors effectivement, il se trouve que l'activité clandestine, la résistance dans sa totalité est une activité qui est clandestine, qui laisse des traces qui sont souvent ténues. Donc quand on veut les retrouver, effectivement, il faut s'appuyer sur des sources très différentes. Sur le renseignement proprement dit, on a des traces. Les agents envoient des télégrammes, remplissent des rapports, écrivent des rapports. On peut les interroger. On a de très nombreux interrogatoires de l'époque, pas du tout des souvenirs d'après-guerre, des interrogatoires de l'époque dans lesquels ils peuvent confier les conditions dans lesquelles ils ont travaillé. Bon, ce sont des interrogatoires ou des rapports qui sont destinés à leur hiérarchie, donc ce sont des documents que les historiens doivent lire avec évidemment une certaine distance, puisqu'ils ont tendance toujours à défendre leur point de vue, etc. Mais enfin, on a une documentation qui permet d'aller toucher au plus près ce qu'a été leur vie dans la clandestinité. Et justement, dans les actions mêmes liées au renseignement, nous avons toute la gamme possible de la collecte d'informations, du petit message porté, alors vraiment à la recherche du document rare en allant au plus près des Allemands. Tout ça se construit comment? Au sens où les espions, pour utiliser ce terme qui ne va pas, parce que les espions, c'est ceux qui se sont fait prendre. Comment les agents de renseignement procèdent, en fait? C'est tout un système de hiérarchie, de secret classique, ou la Seconde Guerre mondiale a une particularité? Ah, la Seconde Guerre mondiale a une très grande particularité. Alors, elle est un peu apparue pendant la Première Guerre mondiale déjà, parce qu'il y a des territoires occupés déjà pendant la Première Guerre mondiale dans le nord de la France. Mais la Seconde Guerre mondiale, c'est le moment du renseignement de masse. C'est-à-dire que quand on pense espionnage ou renseignement, on pense un peu systématiquement au grand espion qui va trouver le document absolument fondamental qui va changer le cours de la guerre. La réalité est complètement différente. Pour faire comprendre ça, on peut prendre par exemple le mur de l'Atlantique. Si on imagine, et certains le font et certains le disent, mais qu'un espion a mis la main sur le plan du mur de l'Atlantique, on est très très très loin de la réalité. La réalité, c'est que ce sont des milliers de personnes, qu'on peut appeler des agents si on veut, qui glanent des informations, parfois aussi petites que ce qu'on appelle les totems, c'est-à-dire ces petites figures qui sont représentées sur les véhicules de l'armée d'occupation, et qui, mis bout à bout, vont permettre de reconstituer le mur de l'Atlantique. Donc c'est pas un agent, une carte, ce sont des milliers d'agents avec des rôles parfois extrêmement modestes qui vont permettre de reconstituer cette carte. Voilà, c'est pas Bourville dans le mur de l'Atlantique, ce peintre en bâtiment, Léon Duchemin, qui récupère par hasard le plan du mur de l'Atlantique, qu'il envoie aux Anglais et qui à lui tout seul fait ça. Non mais cette idée est extrêmement intéressante, Sébastien Albertelli, de voir comment de l'individu nous passons à des mouvements, à un fonctionnement collectif. Malgré tout, dans l'imaginaire, c'est vrai que l'individu revient sans cesse, parce que c'est une histoire qui est portée par des hommes, par des femmes, et aussi par du récit, par de l'anecdote. Avec Laurence Millet qui réalise cette émission, Le cours de l'histoire sur France Culture, aujourd'hui à la technique Jacques Hézubert, nous étions étonnés dans les archives de voir autant d'anecdotes, de récits. C'est cette histoire-là aussi qui est importante parce que ça constitue notre mémoire. Bien sûr. Alors, il se trouve que parmi ceux qu'on appelle des agents, certains ont pris la plume et ont développé des récits. Je pense au colonel Rémy, qui a créé et qui a dirigé un des plus gros réseaux de renseignement de la France libre, la confrérie Notre-Dame, plusieurs milliers d'agents, et qui a écrit, je ne sais plus exactement, mais au moins une centaine d'ouvrages dans lesquels il s'est spécialisé dans le récit, justement, de ces anecdotes plus ou moins avérées. Ouais, c'est ça, parce que il y a aussi, pour tous ces gens-là, une existence complète. La guerre est un moment, mais ils ont une vie avant, ils ont pour beaucoup, pour certains, une vie après. Et puis, dans ces récits, certains personnages apparaissent. Joséphine Baker. Joséphine Baker a eu pendant la dernière guerre une attitude tout à fait remarquable, et on peut un peu se demander comment elle est arrivée à faire du contre-espionnage. Pourquoi avez-vous accepté d'entrer dans les services secrets ? Pour défendre la France, mon idéal, qui est la vôtre, j'espère, la dignité humaine et pour l'humanité entière. Quel était votre rôle dans les services secrets ? À cette époque, il y avait pas mal de jeunes gens, personnes plus âgées, etc., même des très très jeunes, et des gens sans âge, qui sont venus nous trouver, le commandant et moi, pour aller joindre le général de Gaulle, et bien entendu, j'étais avec lui parmi les premiers qui a eu cette grande honneur. Joséphine Baker qui s'exprimait en 1963 sur son engagement dans la résistance. Sébastien Albertelli, elles ont suivi de Gaulle, histoire du corps des volontaires françaises 1940-1946, mais l'étude est toujours compliqué dès que nous touchons comme ça à des engagements extrêmement personnels. Dans le cas de Joséphine Baker, sommes-nous face à un agent de résistance qui sait avec qui elle travaille dans ces organisations, ce bureau central du renseignement et d'action, ou alors avec juste un individu qui l'a contacté? Alors, dans le cas de Joséphine Baker, là, on touche un problème majeur de rédaction de l'histoire. C'est que c'est compliqué de parler d'histoire au moment où, en fait, l'atmosphère est plutôt à l'héroïsation. Et dans le cas de Joséphine Baker, contrairement, par exemple, au cas de Pierre Brossolette, Geneviève Antonius de Gaulle, qui ont été panthéonisés il y a maintenant 5 ou 6 ans, là, on a une panthéonisation qui, sur cette période de la guerre, précède le travail des historiens. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a aucune donnée fiable sur le parcours de Joséphine Baker pendant la période de la guerre, ou en tout cas dans l'activité de renseignement. À ma connaissance, le seul travail existant a été commencé il y a 4 ou 5 semaines par une collègue britannique, Anna Diamond, qui commence à chercher. Mais au jour d'aujourd'hui, les seules choses que l'on connaisse viennent d'une source unique, d'après la guerre, d'un livre du commandant Apté, qui est pour le moins peu fiable. Et donc, voilà. Donc c'est extrêmement compliqué d'essayer de donner des connaissances fiables sur son engagement. Il est certain, il y a quelques éléments qui sont certains, qu'elle a contacté les services de contre-espionnage en 1939, qu'elle aspirait à faire bien davantage que du music hall, qu'elle a très certainement aidé un homme, Apté. Je n'ai jamais trouvé la moindre trace d'un lien avec la France libre et avec les services gaullistes. En 1943, en Algérie, effectivement, des liens se sont noués. Mais la chronologie reste extrêmement floue. Et encore une fois, les connaissances sont à trouver. Voilà, non, mais la prudence de l'historien vous honore, Sébastien Albertelli. Et puis avec, eh bien, justement, le fait qu'il n'y ait pas de source, vous ne rejetez pas non plus, parce que c'est vrai que depuis la guerre, enfin, que Joséphine Baker se présente comme agent de renseignement, il n'y a pas non plus un flux de rejets comme ça pourrait être le cas quand quelqu'un usurpe des fonctions. Non, ceci dit, Joséphine Baker est une célébrité. Mais vraiment une célébrité. Et par conséquent, il faut voir que son traitement, dès les années d'après-guerre et par exemple tout le processus qui va conduire à la décorer, doit être analysé à la lumière de cette réalité. Ça n'est pas, Joséphine Baker n'est pas n'importe qui. Joséphine Baker n'est pas n'importe qui, c'est un personnage important parce qu'il est dans notre imaginaire. Ce sont ces espions, ces agents secrets du général de Gaulle. Il y a une exposition d'ailleurs, Sébastien Albertelli. Sont-ils mis à l'honneur, ces agents secrets? Ils le sont grâce à vos travaux, hein, les services secrets du général de Gaulle, la lutte clandestine en France, et où elles ont suivi de Gaulle. Enfin, il y a toujours cette idée de recherche de renseignements. À partir de quel moment sont-ils vraiment mis en avant? Parce que l'agent secret, l'espion, ça fascine, hein, ça, dans le public, il n'y a pas de souci. Peut-être que pour les militaires, l'espion est moins fascinant. Pour les militaires, l'espion est incontestablement moins fascinant. C'est intéressant peut-être d'observer que les services secrets français actuels, la DGSE, finalement ont commencé à s'approprier cette histoire seulement il y a maintenant une dizaine d'années. Voilà. Depuis une dizaine d'années, la DGSE a peut-être mieux compris que ce que faisaient les Britanniques n'était pas sot, et que finalement s'approprier les pages glorieuses de son histoire pouvait être un élément d'une communication globale. Donc voilà, depuis une dizaine d'années, on a quelques cérémonies aux Invalides, alors généralement des cérémonies fermées, mais enfin qui ont existé. Et puis, par exemple, le 11 novembre dernier, autour de l'Arc de Triomphe, la DGSE, le 44e régiment d'infanterie qui représente la DGSE, était représenté autour de l'Arc de Triomphe. C'était les seuls présents qui étaient masqués, voilà, au titre de cet héritage de l'activité de renseignement pendant la guerre, donc de l'histoire du BCRA. Oui, parce que le BCRA, le Bureau Central de Renseignement et d'Action, est vraiment à l'origine des services encore aujourd'hui présents. Le BCRA de la Seconde Guerre mondiale se transforme d'ailleurs très rapidement, hein. Il devient quoi, une direction? Alors, en réalité, c'est le BCRA, mais aussi les services de Vichy transférés en Afrique du Nord. C'est la fusion entre ces deux ailes qui va donner alors des noms de Direction Générale des Services Spéciaux, puis la Direction Générale des Études et Recherches, qui se transforme début 46 en SDEC, puis en DGSE en 82. Donc, mais on a une filiation directe, effectivement. Et puis, au moment de parler des institutions, nous l'avons dit, hein, cette histoire-là est une histoire d'institutions, mais c'est aussi une histoire d'individu, de destin. On ne saurait vous conseiller meilleur film actuellement d'à Paris. Il s'agit de Agent Secret SZ, œuvre d'origine britannique, réalisée par Lewis Gilbert, d'après le roman véridique de Violette Zabot. Cette jeune Anglaise, mariée à un Français, fut l'une des plus grandes héroïnes de la Résistance. Les nazis la fusillèrent à Ravensbrück, peu de temps avant que les prisonnières qui y vivaient encore fussent délivrées par les Alliés. C'est donc une histoire authentique que l'on nous montre. Nous voyons comment cette petite Anglaise, vendeuse dans un magasin de Londres, est amenée à entrer dans l'armée secrète et à accomplir en territoire français occupé les missions les plus périlleuses. Arrêtée en 1944, torturée, elle ne parlera jamais et périra dans un camp de la mort. En 1958, l'émission Les Maîtres du Mystère s'intéresse au film Agent Secret SZ. Donc à partir de cette histoire, celle de Violette Szabo, une espionne morte déportée. Et là, nous avons vraiment ça, nous avons cette construction autour d'une mémoire, peut-être d'un récit. Vous, Sébastien Albertelli, historien, vous êtes sans cesse confronté à ça, en fait. Cette narration de ces faits héroïques, authentiquement héroïques. Absolument. Alors, à la fois leur narration et, ce qui est plus complexe, leur critique. C'est-à-dire que l'héroïsation et l'histoire ne font pas toujours bon ménage, sinon que l'historien va essayer de comprendre comment des personnages historiques se muent en héros, en fait, comment on construit une figure héroïque. Le cas de Violette Szabo est intéressant, comme le cas d'ailleurs de l'ensemble des femmes qui ont servi pour le SOI. En Angleterre, depuis maintenant assez longtemps, ces femmes font l'objet d'une attention extrêmement soutenue, et on arrive à une situation un peu paradoxale, c'est qu'il devient très compliqué d'avoir un regard nuancé sur leur action, parce qu'en fait, elles ont atteint le statut d'héroïne, et que on finit par mieux connaître finalement le parcours de ces quelques femmes qui sont évidemment méritantes et qui sont relativement peu nombreuses. On le connaît mieux que celui de l'ensemble des agents masculins qui ont servi à cette époque. Donc il y a un processus très très avancé en Angleterre, qui l'est beaucoup moins en France, mais d'héroïsation de ces femmes, de construction héroïque, qui est assez complexe à aborder, parce que dès qu'on a héroïsation, le regard critique a du mal à s'accrocher et a du mal même à être accepté. Oui, et SOI, Special Operation Executive, ce sont ces services secrets britanniques dans lesquels il y avait énormément de Français. Sébastien Albertelli, je trouve toujours passionnant d'essayer de saisir l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé, ces événements, ces destins, mais aussi de comprendre comment cette histoire-là doit être relue, et toujours avec méfiance, parce que l'histoire est sans cesse utilisée, et presque tant mieux. Mais après, à charge des historiens, des historiennes, de décrypter tout cela. Merci vivement à vous. Je rappelle, elles ont suivi De Gaulle, Histoire du corps des volontaires françaises 1940-1946, c'est chez Perrin, et La lutte clandestine en France, Au Seuil, ou encore Les services secrets du général De Gaulle. Merci vivement à vous. Il est temps de retrouver Gérard Noiriel dans le cours de l'histoire avec le pourquoi du comment. Louis Vivet est né à Paris le 12 février 1863 d'une mère considérée comme hystérique et d'un père inconnu. Il a passé une partie de son enfance dans un village près de Chartres. Maltraité par sa mère, il s'enfuit et devient un petit vagabond. Condamné pour vol à l'âge de 8 ans, il est placé dans une maison de correction. Il apprend à lire et à écrire tout en travaillant dans une ferme. Ses biographes racontent qu'un jour, une vipère s'est enroulée autour de son bras gauche sans le mordre. Mais il a été tellement effrayé que le soir, il a perdu connaissance. Ce fut le début des crises convulsives qui aboutirent à une paralysie des membres inférieurs qui l'empêchèrent de marcher pendant 3 ans. Interné dans un asile, Louis Vivet est pris en charge par 2 médecins, Henri Bourru et Prosper Bureau, qui vont décrire minutieusement ces changements d'état. Ils notent, je cite, que Vivet semble avoir connu diverses existences, chacune étant caractérisée par des traits physiques et psychiques particuliers. À chaque fois qu'il change d'existence, au cours d'une crise, il prend une personnalité ainsi que les souvenirs et les états corporels spécifiques de cette personnalité. Il y a donc, comme plusieurs vies, plusieurs existences qui se succèdent, s'ignorant mutuellement. Pour décrire ce type de trouble psychique, Bourru et Bureau vont inventer le concept de personnalité multiple et mettre au point la méthode cathartique permettant aux patients de revivre des états antérieurs. Inspirés par la métallothérapie, ils appliquent sur le bras droit de Vivet un barreau d'acier aimanté. Comme prévu, ils produisent un transfert, l'insensibilité se portant sur le bras gauche. Les 2 médecins notent d'abord, je cite, « des modifications de la respiration, elles semblent rapides, gênées, des changements de physionomie, le patient a l'air anxieux, mais on voit aussi apparaître des mouvements dans les membres paralysés. » Ensuite, la respiration se fait plus régulière et moins gênée, le patient a l'air plus calme. Enfin, une grande inspiration avec bruit pharyngien annonce que le transfert est terminé. À la plus grande surprise des deux médecins, une autre modification accompagne ce transfert. Je cite « Tout d'un coup, ajoute-t-il, les goûts du sujet se sont complètement modifiés. Le caractère, le langage, la physionomie, tout est nouveau. Le sujet est réservé dans sa tenue. Il n'aime plus le lait. C'est cependant le seul aliment qu'il prenne habituellement. Si en plus on applique un aimant à la tête, le malade devient adroit, agile. Il se met à nager des quatre membres, peut plonger, peut monter à la corde. Et en même temps que ces changements physiologiques s'effectuent, des changements dans la conscience. Il devient intelligent, imaginatif. Son langage est doux et poli. Ses gestes sont modérés. Je reviendrai dans une autre chronique sur les multiples discussions qui ont agité le monde de la psychiatrie concernant le concept de personnalité multiple. Retenons pour le moment que le nom de Louis Vivet est parvenu jusqu'à nous parce qu'il a incarné à travers ses symptômes les savoirs et les hypothèses médicales de son époque. Ses rencontres avec divers médecins, la manière dont il a répondu à leur expérimentation, en ont fait un cobaye idéal. Il est devenu l'exemple emblématique de l'efficacité d'une méthode qui présente le rappel de souvenirs comme un moyen thérapeutique efficace. Merci Gérard Noiriel. Le pourquoi du comment dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès, Jeanne Delecroix, Anna Grimbach et Sophie-Catherine Gallet. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France où vous allez retrouver aussi le pourquoi du comment de Gérard Noiriel.